Oh. Oula, Lucas! N'as-tu point vu ici notre médecin? Eh oui, de par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi! Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les guêbles! Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille.